Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, engagé volontaire, se battre pour des idées. Une série documentaire de Pauline Maucor, réalisée par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a ces jeunes de Lunel, ou d'ailleurs, partis prendre les armes et souvent persuadés d'aller faire le bien. Il y a des idéaux en bandoulière et la soif de causes à défendre, mais aussi la fièvre et l'absolu qui peuvent mener au pire. Et tous ces hommes partis pour être utiles aux assiégés de Grèce, d'ex-Yougoslavie, d'Espagne ou d'ailleurs, et qui posent la question de la violence et du romantisme. Quitte à se retrouver dans un bain de sang ou devenir dépendant à l'adrénaline et à la poudre. Mais parfois, si les motivations font comme un drôle d'écho, les causes n'ont vraiment rien à voir. Alors pour commencer, les personnages. Une jeune anarchiste combattante, un historien qui a trouvé un trésor, des hommes qui ont tué, une repentie du djihad, une femme qui veut se faire oublier, des hommes en uniforme, l'éternelle infirmière, une héroïne reconnue tardivement et une petite fille. Ensuite le décor, le pas militaire, la cruauté des temps de guerre, l'embrigadement aveugle, des combats qui n'ont rien à voir mais des motivations semblables, le sentiment d'être au mauvais endroit, la misogynie extrême, des enregistrements maison, un journal de bord et un album photo. Aujourd'hui, deuxième épisode, on lit des lettres. En juillet 1936, j'étais à Paris. Je n'aime pas la guerre. Mais ce qui m'a toujours fait le plus horreur dans la guerre, c'est la situation de ceux qui se trouvent à l'arrière. Quand j'ai compris que je ne pouvais m'empêcher de souhaiter tous les jours, toutes les heures, la victoire des uns, la défaite des autres. Je me suis dit que Paris était pour moi l'arrière et j'ai pris le train pour Barcelone dans l'intention de m'engager. Je crois que cette phrase de Simone Veil écrite à Bernanos, après son engagement espagnol, résume bien les choses. Prendo la Villa Morena, terra da fraternidad. Pendant la guerre d'Espagne, ils sont environ 40 000 volontaires internationaux à combattre aux côtés des républicains. Parmi eux, 500 femmes s'engagent sur le front, dans les services de santé, de communication ou de soutien logistique. Les troupes gouvernementales ayant refusé de céder à l'ultimatum des nationaux, ces derniers ont exécuté leurs menaces et procédé à un bombardement destructeur. Un obus vient d'éclater, blessant grièvement un enfant. Presque aucune maison ne reste intacte. Si elles apparaissent souvent sur les photos de propagande, large sourire plein d'espoir, fusil en bandoulière, coiffé du petit bicorne à pompons, on parle finalement très peu d'elles. À Madrid, les émeutiers ont vainement tenté de s'emparer de la principale caserne de la capitale. Cependant, l'état de siège subsiste. On les entend encore moins. Pourquoi cet effacement ? À cause d'une misogynie latente dans l'organisation des brigades. Les défenseurs de la ville luttent avec une énergie farouche en se protégeant derrière des barrages improvisés. Ce qu'elles ont à dire sur les hommes dans la guerre serait-il trop dérangeant? C'est alors la fuite éperdue des civils, en proie depuis de longs jours à l'atroce cauchemar. Des hommes, des femmes, des enfants fuient leur demeure, auxquels un espoir tenace les a pu attacher jusqu'à la dernière minute. Est-il difficile pour elles de revendiquer leur engagement, alors qu'il est empreint de culpabilité, puisqu'il les éloigne du rôle d'épouse et de mère qui leur est assigné par la société de l'époque? Groupez-vous autour du rouge drapeau de la section française de l'Internationale ouvrière socialiste. Une certitude, elles n'ont pas besoin de l'armure du héros pour dire la vérité en face. Pour marcher avec vos frères de tous les pays à la conquête de votre émancipation. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la faim. Je suis Georgette Kokosinski, dite Mimosa. Voici mon journal. Lundi 21 septembre 1936. Départ. Un temps lourd, inquiet. Paris dort encore. Nous partons. Georgette Kokosinski s'engage en 1936 auprès des antifascistes sur le front d'Aragon dans le groupe international de la colonne d'Uruti. Vers quoi allons-nous au juste ? Engagé volontaire, se battre pour des idées. La désillusion, les femmes en Espagne. J'ai retrouvé le journal de Georgette Kokosinski par hasard en faisant un travail de dépouillement. Édouard Sill, historien. C'est avéré que dans un des cartons, il y avait ce document. À Perpignan, nous sommes déjà en zone révolutionnaire. Comité de liaison, de surveillance, interrogatoire, examen des papiers. En 1936, elle a 29 ans. Les camarades sont dévoués, énergiques, méfiants, cordiaux. Nous avons montré patte blanche. Dès l'adolescence, elle a rejoint les milieux anarchistes de Paris, notamment milieu littéraire, le milieu des cabarets, où elle déclame de la poésie, elle chante, elle vend les journaux, la presse libertaire. Nous sommes rompus de fatigue. L'orage gronde, pourtant nous repartons. Il me semble qu'elle n'a jamais connu son père, qu'elle a eu en tout cas suffisamment de soucis avec sa famille pour fuir le giron familial étant adolescente. Nous avons l'air de fuir. Sur la route, les miliciens veillent. Des barrages faits de sacs de terre et de pierres sont élevés tous les 25 ou 30 kilomètres. Nous savons les mots de passe et le signal. Les phares éteints et rallumés trois fois. Trois coups de klaxon. Pour une femme en 1836, traverser l'Europe, c'est loin d'être une sinécure. Il faut, dans la quasi-intégralité des États, une autorisation du mari, il faut un passeport, et il faut, lorsqu'on est militant communiste, l'autorisation du parti. Et non seulement l'autorisation du parti, mais l'autorisation de tous les partis qu'on va rencontrer pendant son périple vers l'Espagne. Donc il est beaucoup plus compliqué pour une femme de rejoindre l'Espagne que pour un homme. Nous sommes enfin arrivés à Figueras, où nous allons coucher. Camaradas de la 12 bandera. Os habla José Neiva. Nous y avons été reçus par le comité révolutionnaire, par le comité de guerre, et nous avons rencontré quelques camarades français. On nous a presque fêtés. Nous repartirons demain matin pour Barcelone, terme de notre voyage. Premier jour à Barcelone. Hier soir, je n'avais rien vu. Rien. Voilà. Pourtant, c'est terrible. Les maisons vidées de tout. Sans porte ni fenêtre. Éventrées. Des traces de fumée sur la façade et des traînées blanches comme des morsures de verre. Ce sont les balles qui ont fait cela. C'est l'inhumanité de la guerre d'Espagne qu'elle découvre peu à peu. Et cette inhumanité qui touche également le camp républicain, qui touche également ce qu'elle voit dans la milice libertaire qu'elle rejoint. C'est sans doute ça qui participe à ce désenchantement progressif qu'on ressent dans son journal, qui est une forme de road movies, on pourrait dire, depuis Paris jusqu'à la banlieue de Saragosse où elle trouvera la mort. Votre mort va servir d'exemple. Défendre le peuple d'Espagne, c'est défendre la paix. La paix de France et d'Occident, la paix du monde, à la défense de la paix. Avec toute la montagne couverte du peuple espagnol, depuis le haut jusqu'en bas, venu derrière ces hommes qui étaient venus de tous les pays du monde pour défendre ce qu'ils croyaient vrai. Ce lundi, la ville est morte. Les cafés sont fermés, les lumières éteintes, ni musique, ni théâtre, rien. J'ai parlé longtemps avec des miliciens. Ce qu'ils m'ont dit est si terrible. Ces hommes sont braves, dit-on. Ils me font horreur. Ils ont du sang sur les mains. Et je frémis en leur tendant la mienne. Ils ont tué. Ici, tous les hommes ont tué. Je deviens folle. Je suis courageuse pourtant. La correspondance des volontaires anarchistes depuis Barcelone, exactement à l'inverse de ce que peut écrire Georgette. Elle voit des miliciens français satisfaits, fiers et contents d'eux-mêmes. Le moins que j'en pourrais dire est que ce sont des ignorants, des prétentieux, des demi-tout ce que l'on voudra, des aventuriers. Et dans ce tas, peuvent seuls se justifier des mécontents et des ouvriers suiveurs. Pueblo mártir, pueblo fuerte. Voluntarios de la Brigada Internacional se dirigen hacia sus puestos de combate. Dans la ville de Barcelone, on prend les gens la nuit, ils sont à peine suspects, on ne les juge même pas, on les exécute. 20 personnes sont mortes ainsi il y a quelques jours, emmenées vers le Tibidabo. C'est exactement un témoignage dont aucun homme ne parle. Si le peuple d'Espagne était écrasé, ce serait demain la guerre générale. Soutenons ceux qui se sacrifient pour la défense de notre cause commune, pour la justice sociale et la liberté. Peuple du monde, vous n'êtes qu'un peuple contre l'oppression. Unissez-vous. Là où les volontaires français s'attachent à plutôt mettre en avant les caractères positifs et les grands changements sociaux de la Barcelone révolutionnaire qu'ils rencontrent, Georgette, au contraire, peint un tableau qui est tout en contraste. Je suis Georgette Kokosinski, dite Mimosa. Voici mon journal. Lundi 21 septembre 1936. Départ. Un temps lourd, inquiet. Nous partons. Vers quoi allons-nous au juste? Mes camarades ne se le demandent même pas. Ceux-là sont des communistes, pas spécialement moins intelligents que d'autres, mais fanatisés par les ordres reçus et jamais discutés. Ils ont absorbé la parole des dirigeants comme une mauvaise drogue et ils sont aveuglés d'ignorance. Quand on rencontre Sophie Kasicki, repentie du djihad, on est étonné de voir à quel point ses motivations sont très proches de celles de Georgette Kokosinski. Nous roulons, je pense à tout cela. À toi, Michel, mon compagnon, mon mari, intelligence lucide. Si le ressenti des femmes face à la guerre est intemporel, les conflits, eux, n'ont rien à George voir. George Meyer, mon cher grand ami. Les deux époques non plus. Nous roulons. Ai-je bien fait de tout quitter? Est-ce bien ainsi, je le voudrais? Je doute. C'est drôle, c'est ce sentiment. Enfin, j'aurais pu l'exprimer, ce sentiment de doute vers cette aventure qui dommageable. Ce vide, cette envie malgré tout d'être quelqu'un, d'être autre chose que cette personne, se sentant complètement vide. Ça, je sais que je l'ai beaucoup ressenti. Cet état d'orpheline, je n'ai pas connu mon père et ma mère est morte quand j'avais 9 ans. Cette perte, enfin, maternelle a été pour moi une espèce de descente en enfer puisque je n'avais qu'elle pour rôle de père et de mère. Et voilà, on avait une relation très très fusionnelle, ma mère et moi. Et c'est vrai que malgré tout ce que je pouvais avoir, cette chance d'être entourée, je ne me sentais plus utile. Et j'avais l'impression de ne pas servir à grand-chose, en fait, dans la vie que j'avais. Et c'est vrai que ce que j'ai pu entendre, en tout cas, de ce témoignage, je me sens assez proche de ce qu'elle pouvait raconter dans son journal. Sophie Kasicki part au début de l'année 2015 en Syrie, pour rejoindre des jeunes de son quartier engagés dans le djihad. En partant de Paris, je savais juste que je devais prendre un billet pour Istanbul. Les étapes m'étaient annoncées dès que j'arrivais à une étape. En fait, en arrivant à Istanbul, je les avais au téléphone, via WhatsApp, et je savais qu'à tel endroit, telle personne viendrait me chercher. Moi, je me souviens très bien, en fait, à l'aéroport, puisque c'est mon mari qui m'a emmenée à l'aéroport. Les au revoir ont été très rapides. Je savais que je lui mentais sur ma destination finale, Raqqa en Syrie. En fait, je n'arrivais pas à le regarder dans les yeux. Et au moment de partir, quand on s'est dit au revoir, je ne me suis pas retournée du tout. Lui était resté. Je savais qu'il était debout et il me voyait partir, mais je ne me suis pas retournée. Le doute vraiment m'a accompagnée tout au long de ce voyage. Mais j'avais cette espèce de folie, ce que je peux définir comme ça, qui m'animait en me disant que essaie de faire enfin quelque chose dans ta vie qui pourrait... qui sortent de l'ordinaire, parce que l'ordinaire ne te convient pas, l'ordinaire ne te permet pas de... ne te comble pas, tout simplement. Vas-y, essaye, tente de faire quelque chose d'exceptionnel et pour donner un sens à ma vie, oui, à ce moment-là. Je me disais, mais finalement, peut-être que c'est possible. C'est peut-être possible d'y aller. Et c'est peut-être possible de revenir. En fait, c'est peut-être possible de voir ce qui se passe réellement là-bas, moi qui suis dans mon petit coin aseptisé, dans ma petite ville, dans ma petite région parisienne. Et pourquoi pas ? Peut-être que je pourrais faire ça. Savoir qu'on avait besoin de moi, ça me motivait, parce que je me suis dit que je peux être un peu utile. Ça me ferait peut-être du bien de voir... que je peux aider des personnes. En fait, de me sentir utile, c'est ce qui m'a accompagnée toute ma vie, c'est ce qui m'a fait devenir éducatrice. Je ne pouvais pas imaginer ma vie sans donner une partie de moi pour d'autres, sans satisfaire d'autres. Le fait d'être là et puis de les voir à un moment heureux me donnait aussi une sensation de satisfaction personnelle qui, j'avais l'impression, me convenait. Mais je pensais égoïstement à moi et à mon bien-être, parce que ça pouvait, même si j'allais vers d'autres personnes, mais je pensais au bien que ça me procurait, au bien que... Et ça me permettait de, moi, me soucier de l'état dans lequel j'étais. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a poussée et vers ce voyage, malgré mes doutes. Comme Georgette, je suis très vite déçue par les camarades ou les personnes que je rejoins en Syrie. Par rapport à la considération de la femme, je me souviens de cette phrase qui m'a longtemps poursuivie, même pendant ma fuite. Il me disait que, de toute façon, tu n'es qu'une femme. De toute façon, tu fais ton occidental, ta forte, mais tu n'es qu'une femme. Ici, tu n'es rien. Mardi 4 octobre. Départ de la caserne de Pedralbès, samedi. Nous partons comme partent les troupiers, sous la bannière de la vulgarité et de la crasse. Mes compagnons sont bruyants, ivres, sales, et sans la moindre pudeur morale. Chacun parle au nom de l'anarchie, et personne ne sait ce que c'est. Pour eux tous, c'est son propre intérêt qui consiste souvent à ne se préoccuper aucunement de celui du voisin, même à nuire à ce voisin. Ce sont des bêtes brutes. Je n'ai jamais lu un témoignage de qui que ce soit qui traite de ses camarades de cette manière-là. Maintenant, je sais, j'ai bien compris que cette horreur de guerre civile va durer jusqu'à la dernière goutte de sang, jusqu'au dernier souffle du dernier homme de l'un des camps. D'écrire en septembre ou en octobre 1936 le terme de guerre civile, quand on est une militante anarchiste, c'est faire preuve d'une maturité, d'une hauteur de vue sur l'hyper-histoire qu'on est en train de vivre, absolument hors du commun. Ses camarades parlent de révolution, pas de guerre civile. Enfin, je veux dire, il s'agit d'une volontaire antifasciste, anarchiste, qui est capable de ce discernement-là. Quand on est un militant anarchiste suisse, belge, français, peu importe, bulgare, qu'on arrive à Barcelone, c'est un pays de cocagne. Pour la première fois, le peuple a gagné. Pour la première fois, être militant anarchiste, c'est être dans une catégorie inverse dans l'échelle de la hiérarchie sociale que celle qu'on a toujours connue. C'est une inversion des rôles qui, évidemment, rend fou de joie et d'enthousiasme la plupart des militants qui sont venus en Espagne participer à l'érection de cette société nouvelle. Le cadavre des illusions n'est-il pas assez lourd en travers de ma poitrine pour que j'en veuille finir ? Je le savais pourtant que je devais partir. Ne me suis-je pas offerte ? N'ai-je pas réclamé ? Depuis longtemps, suis-je donc autre chose qu'une coque vide, qu'une âme douloureuse, sans espoir ? L'utopie pour laquelle je suis venue s'est effondrée très très vite. Très vite. À Raqqa, j'allais passer du temps en fait dans une maternité où venaient accoucher des femmes syriennes et où travaillaient ou des femmes occidentales qui arrivaient à Raqqa. J'ai très vite arrêté d'aller dans cette maternité. Donc au bout de, je dirais en tout, entre mon arrivée et puis les premières demandes de retour, c'était à peu près entre une semaine à 10 jours après notre arrivée. Des illusions s'est faite en côtoyant ces femmes européennes. Ce qui m'a, dès les premiers jours, un peu mise à l'écart et posé question, c'était les petites remarques qu'on pouvait entendre quand je comprenais en anglais ou quelques petits mots d'arabe qu'elles pouvaient balancer parce qu'une femme syrienne, après son accouchement, pouvait se plaindre de douleur ou gémir ou je ne sais quoi. Donc elles avaient tendance soit à faire semblant de ne pas entendre ou soit à lui dire de la fermer tout simplement. Tous ces petits comportements de ces femmes ajoutés à ceux de ces jeunes qui pouvaient critiquer les Syriens parce qu'ils les sentaient bêtes, parce qu'ils les trouvaient sales, parce que de toute façon ils ne comprennent rien. En fait, je me suis demandé ce que je faisais avec ces personnes-là. Je me suis dit que je me trouvais à la mauvaise place. Cette place de conquérant et de tout-puissant que j'ai toujours rejeté et pas compris. Et ce qui me mettait d'autant plus mal et mal à l'aise que je me disais que ces Syriennes ou ces Syriens qui peut-être m'apercevaient ma silhouette puisqu'ils ne pouvaient pas me voir dans la rue, devaient me considérer comme ces djihadistes qui étaient là pour les insulter et puis les maltraiter. Nous avons pris le train pour Lérida. C'est la nuit. Ils chantent, disent des grossièretés, se saoulent et vomissent. Je fais semblant de dormir et j'évite ainsi les provocations et les refus des faveurs qui me sont offertes. Je ne dois rien accepter de ces loups. J'ai besoin de me faire respecter. De quoi elle parle là ? Elle parle de la mixité ? Elle parle de promiscuité, effectivement, qui est ce train qui rejoint le front, mais elle parle de mixité. Et ces témoignages de mixité, on en a peu, parce que les miliciennes, pour la plupart d'entre elles, ont peu écrit. Les hommes qui ont écrit sur les miliciennes n'ont pas la même perception de la mixité. Se faire milicienne, ça ne pouvait pas signifier autre chose que ça. Il faut rivaliser de force avec ces hommes, faire aussi bien qu'eux, aussi rapidement. Il faut faire oublier à tous que je suis une femme. Je m'y applique de mon mieux, car déjà les provocations se multiplient, les haines germent. Il semblait qu'il suffirait d'être distante et camarade avec tous. Hélas, je suis seule et femme. Ils sont 200. Une distinction des femmes s'établit dans le volontariat international qui est due à une indéniable misogynie de l'administration des brigades internationales, misogynie qui est en grande partie la résultante du caractère du grand patron des brigades internationales, André Marty. Si le volontaire a mauvais moral, c'est parce que son épouse n'a de cesse de lui écrire dans les lettres « Reviens, tu nous manques, tes enfants t'attendent ». Si les soldats boivent à l'arrière, c'est parce que les entraîneuses espagnoles les emmènent boire dans les estaminets. Si les convalescents prennent la fuite vers le consulat, c'est parce qu'il y a des infirmières pour leur dire, tu sais, tu peux aller voir telle personne, te diriger vers le consulat. Donc c'est pour Marty une responsable traditionnelle de l'intégralité des problèmes que peuvent rencontrer les brigades internationales. J'ai connu aussi, comme toi, les femmes qui disaient qu'on ne pensait pas à nous, qu'elles ne savaient pas, si personne n'avait jamais parlé de rien. Maintenant, pour les siècles, on sait avec quoi ferait-on la noblesse d'un peuple, sinon avec celle qui la lui ont donnée. Un des éléments de décomposition naturelle, entre guillemets, est qu'il suffit d'utiliser très légèrement pour créer des situations inextricables et formées par les femmes venues en Espagne sous des prétextes divers. Aussi, aucune femme n'est autorisée à partir de maintenant dans les unités combattantes, à l'exception d'infirmières diplômées pour les autochirurgies. L'expérience a démontré en effet qu'au centre d'une grande base militaire surpeuplée, fatalement, elles deviennent des agents de décomposition morale et militaire, même si elles ne le veulent pas. C'est le rapport que fait André Marty à Moscou devant le comité central du Comintern. En fait, les femmes se retrouvent la victime un peu expiatoire de ce complexe d'infériorité qui immédiatement a traversé les formations combattantes républicaines. Alors, comment est-ce que fait un groupe d'individus pour jouer à la guerre, pour ressembler à des soldats? La première chose, c'est l'uniforme. Ça fait soldat. Dans les brigades internationales, le premier document qui a été édicté contre les femmes, c'est justement pour leur interdire de porter un uniforme. Leur interdire de porter l'uniforme, c'est considérer que cette armée qu'on est en train de créer est une armée normale, traditionnelle, exactement ce que voulait faire passer comme message l'Espagne républicaine. Nous ne sommes pas des dangereux révolutionnaires, nous sommes une armée comme vous en France, comme vous en Belgique, comme vous aux États-Unis. Nous sommes agressés en tant que démocratie, comme vous pourriez l'être vous aussi. Et nous avons une armée comme la vôtre, dans laquelle il n'y a pas plus de femmes que dans la vôtre. Les femmes, on en parle comme infirmières, elles ont des rôles bien précis. Dans la presse des brigades internationales, la femme c'est d'abord l'épouse, ensuite la mère, et troisièmement l'infirmière. Et avec un quatrième poste, entre guillemets, assignation, qui est l'ennemi, l'espionne, la mauvaise femme. Et elles n'apparaissent rapidement plus nulle part. Il n'y a que deux brochures sur plusieurs centaines de brochures qui sont imprimées par les brigades internationales pour faire leur propre promotion à travers le monde. Il n'y en a que deux qui parlent directement des femmes. Il y en a une qui est très intéressante, qui s'appelle justement « Les femmes vous parlent, nous luttons avec vous », qui est en fait une compilation de témoignages d'infirmières. Cette compilation n'a qu'une vocation, c'est de faire la démonstration aux Espagnols eux-mêmes que les étrangers sont venus pour les aider, et qu'à aucun moment, ces infirmières étrangères ne veulent se prévaloir sur leurs camarades la véritable héroïne qui est la femme espagnole. C'est un ouvrage de modestie. Nous sommes venus pour vous aider, mais l'héroïne, c'est vous. Alors, on demande aux étrangers en général de s'effacer au bout d'un moment devant le combattant espagnol pour des raisons de propagande. Mais pour les femmes, ça atteint, elles étaient déjà peu présentes dans la propagande, mais ça devient un gommage total. Elles sont gommées de leur présence au sein de ce grand mouvement de volontariat international. Et ce gommage, il devient complet, total, au moment de l'écriture de l'histoire des brigades internationales, où les femmes n'ont immédiatement pas leur place. Alors, femmes effacées de la propagande des brigades internationales très rapidement, c'est sûr. Femmes oubliées dans la mémoire des brigades internationales notamment, c'est l'évidence même. Mais également parce que la production documentaire n'a pas suivi. C'est une place comme une autre. Mais ça fait pas grand bruit. Juliette Ténine a 27 ans, une petite fille de 5 ans, quand elle s'engage dans les brigades internationales en 1937. Enfin, je ne souhaite pas de faire grand bruit, hein, quand même. Mais je dois dire que maintenant, ça me plaît. d'être reconnue et moi-même de me reconnaître. Ma modestie s'est complètement foutu le camp. Ça m'amuse de laisser des traces. Fait que j'ai participé, si vous voulez, à la vie de mon temps, de la manière que je pensais être la bonne. Alors que ça ne m'amusait pas du tout il y a quelque temps. Comme je ne suis plus qu'un vieux machin, je vis sur mon passé. Alors moi je m'appelle Claire Hanen, je suis la petite fille de Juliette Ténine. Ma grand-mère s'est engagée dans les brigades internationales en 37, suite à un dépit amoureux. Moi je suis partie parce que mon ex-mari, il avait une petite amie, ce que j'appréciais pas tellement. Je suis partie. Elle a dit « j'ai foutu le camp en Espagne », plus exactement, c'est ce qu'elle disait toujours. On me l'a reproché. Oui, elle laisse ma mère à ses grands-parents. Parce que je savais qu'elle était protégée quand même. Si j'avais pas eu ma belle-mère, je serais pas partie. Ça m'a donné la liberté de le faire. Au retour de ma grand-mère d'Espagne, ma mère a toujours affirmé qu'elle ne l'avait pas reconnue. Et dans sa manière de l'exprimer, on sentait bien qu'il s'agissait de reconnaissance, bien sûr visuelle, mais aussi qu'elle ne la reconnaissait plus comme sa mère. Hein. C'était vraiment une façon d'en parler assez forte. Alors ça, c'est un bombardement. Enfin, je sais que j'étais pas loin, moi, là, de ce bombardement. Je dois avoir une photo, d'ailleurs. Je suis devant le trou. C'était des bombinettes, hein, à ce moment-là. Ah, voilà. Vous voyez, les trous de bombes, c'était tout petit. On a fait beaucoup mieux depuis. Hein. Mais c'était quand même... Ça tuait des gens. Hein. Ça, c'est une photo qu'elle aimait bien. Une photo de trou de bombe. Avec ma grand-mère qui se trouve au bord du trou. Et une personne, un camarade, qui se trouve donc au fond du trou et qui il y a encore 2 mètres au-dessus, hein, jusqu'au pied de ma grand-mère. Ça, c'est notre ambulance un jour de neige. Vous voyez, il y avait de la neige aussi, on avait froid. Là, on essayait de la faire marcher. Elle était en panne. J'ai très vite été assistante en chirurgie. Alors là, c'est moi. C'est la seule fois où je me suis trouvée mal, parce que c'était une énucléation d'un œil. Tout à fait affreux, affreux, affreux. Un pauvre type qui était brûlé entièrement, les yeux aussi. Elle aimait bien décrire peut-être le danger qu'elle avait couru. L'album... contient des photos de la guerre. Tout le monde est là. Là, c'était des Espagnols. Là, c'était une Hongroise. Là, c'était un Belge. Là, je vois pas qui c'était. Là, c'était tout notre groupe. Là, c'est moi. Là, c'était le coiffeur. J'ai beaucoup partagé avec tous ces gens-là. Dans l'album de la guerre d'Espagne, on voyait à la fois des photos de blessés, des photos de camaraderie, des photos d'amour, même si elles ne sont pas tellement des images d'amour, en fait, c'était plutôt des images de camaraderie, des images heureuses, et des images de destruction, de ruines, qui donnent quand même un côté extrêmement concret, finalement, au travail qu'a pu faire ma grand-mère pendant cette période-là. Alors là, c'est moi au travail. J'aime beaucoup cette photo. C'est moi, et ça, c'est mon chirurgien. Voilà. Et j'aimais beaucoup ce boulot-là. On recevait les blessés. C'était le premier poste de secours. Quand ma grand-mère nous montrait ses photos, surtout l'une d'entre elles qui la représente en train d'opérer aux côtés de son chirurgien, son amant René Dumont, elle raconte à quel point c'était un plaisir pour elle de devenir assistante de chirurgien. Elle aimait ça, elle aimait ce métier-là, elle aimait... Et en fait, c'est une triple réalisation, à la fois professionnelle, amoureuse et politique. Si là-bas l'âme me va, si mi vida se va, bajadme calliados a la tierra. Voilà, c'est tout à fait autre chose, c'est la distribution du courrier. Las palabras dejar, es là aussi. L'Espagne, c'était un moment de camaraderie extrême et où elle était complètement libre. Elle le vivait comme son îlot de bonheur. Presque toutes les photos ont été prises par mon ami belge. Il s'appelait René Dumont. C'était le chirurgien et... Il montait les chauffages centrales sous les tentes, enfin il savait tout faire. Et là c'est tout le groupe au bord de l'ambulance. Tout le monde est là. Je suis devenue moi-même quand j'ai pris mon indépendance, quand je suis partie en Espagne. Autrement, j'étais la sœur de Témine ou la femme d'Albert. Oui. C'était ma vraie vie qui commençait. C'est pour ça que j'ai des souvenirs extraordinaires de la guerre d'Espagne. C'est les meilleurs moments de ma vie. Alors, l'engagement de ma grand-mère dans les brigades internationales n'était pas un tabou. C'était un moment important. Par contre, ça a généré déjà d'emblée une sorte d'ambivalence, puisque cet acte d'aller s'engager en Espagne, c'était aussi un abandon pour ma mère. Et donc, cette ambivalence-là, finalement, elle a été transmise avec l'engagement dans notre famille. C'est-à-dire, l'engagement est ambivalent. Y a une part de culpabilité, y a une part d'ombre dans la lumière. Alors, parmi les obstacles que rencontrent les femmes dans leur désir d'Espagne, la question de la pression sociale est évidemment prédominante. Et constitue probablement l'obstacle principal évoqué par les femmes volontaires. Le terme de volontaire, il est, depuis sa réinvention au moment de la Révolution française et ensuite par les différentes constructions républicaines, en France en tout cas, du terme de volontaire, associé à l'héroïsme militaire, la destination et le combat, éventuellement le sacrifice, et le volontaire est par définition volontaire au sacrifice. Dimension héroïque ensuite, les brigades internationales, si on devait les résumer de par les propositions émises par la propagande autour d'elles, c'est des individus venus de 50 nations à travers le globe, prêts à mourir pour défendre le peuple espagnol et défendre au péril de sa vie. Évidemment, la question de la présence des femmes parmi ces volontaires est difficile parce que traditionnellement, l'héroïsme est dévolu aux hommes dans une activité de défense justement du foyer, donc de la femme, le domaine traditionnel de répartition des rôles genrés. Je vais juste vous montrer ce petit document. Résumé de l'entretien avec le docteur Dumont. qui ont fait la lecture par un historien, je crois, d'une interview qui a été faite de René Dumont après la guerre, de son engagement dans les brigades internationales. René Dumont, né en 1910. Et c'est vrai que ce son est très frappant parce que justement, il n'est pas du tout comme ce que dit ma grand-mère de la guerre d'Espagne. D'abord, il n'en parle pas du tout de ma grand-mère. Alors qu'elle, elle parle de lui, elle parle des camarades. Et elle dit jamais, quasiment jamais, aucun lieu, aucun événement, aucune chose politique en fait. Et lui, il a un récit plus habituel, on va dire. Il se présente comme engagé politiquement, il présente les responsabilités qu'on lui a confiées. Pas un récit spécialement héroïque non plus, hein, mais quand même, il est très factuel et très politique. Les événements d'Espagne le touchent très fort. Il était en contact avec Madame Brachet. Alors peut-être que c'est les questions qu'on lui a posées à ce moment-là, mais en tout cas, j'ai trouvé le contraste entre ce récit et finalement tout ce que ma grand-mère a pu nous raconter au sujet de la guerre d'Espagne, très frappant. Au moment où les brigades se constituent, s'affilient au Parti communiste, rue du Pont-Neuf, où Pierre Joie lui remet une carte, et à Paris, il rencontre le docteur Rouquès. Elle était sans cesse en train de démystifier. En effet, c'était une de ses caractéristiques de ne jamais vouloir être rentrée dans un mythe. Elle ne racontait jamais ses aventures, en particulier en Espagne, comme une épopée. C'était pas ça dont il était question. Et elle se moquait des héros. Elle trouvait qu'ils avaient des défauts. Et donc, elle les ramenait toujours à leurs défauts dans la vie quotidienne. Elle supportait assez difficilement, ma grand-mère, la morgue, le sentiment de supériorité qui peut exister chez un certain nombre d'engagés comme partout. Comment est-ce qu'un témoin parle après les faits de réinterprète ses propres actions? Et là, effectivement, la détermination de l'héroïsme n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans les témoignages des femmes en général. Mais j'ai envie de dire des hommes non plus. C'est pas forcément... Bon, évidemment davantage, bien davantage. Je pense par exemple, j'ai un exemple d'un volontaire franco-yougoslave dont j'ai parcouru les mémoires. J'ai trouvé tout à fait intéressant qu'à aucun moment dans ses mémoires, il ne parle de sa sœur, dont je sais, moi, qu'elle a été volontaire elle-même en Espagne comme infirmière. Certes, ses mémoires à lui devaient donc concerner son propre parcours, mais à aucun moment il n'a jugé utile de dire « ma sœur m'a d'ailleurs rejoint quelque temps après et elle était infirmière, point barre ». Bon, j'aurais déjà trouvé ça un peu léger, mais au moins il y avait cette évocation. Pas du tout. Pour lui, il n'y avait pas forcément de corrélation, alors que dans les témoignages féminins, c'est exactement l'inverse. C'est Mario et moi, nous avons réfléchi à ça, il est parti, puis ensuite je l'ai rejoint, où c'est la primauté dans l'acte de l'engagement est déterminée en fonction de l'homme. Mais c'est aussi parce que l'engagement pendant la guerre d'Espagne, international pendant la guerre d'Espagne, il est pensé au masculin. Les brigades internationales sont des soldats qu'elles recrutent. Éventuellement, parce qu'il y a des soldats, on va avoir besoin d'infirmières à un moment. Au moment où j'écris, le canon tonne et les obus viennent s'écraser à 150 mètres de ma maison. Depuis 2 jours, notre petit village est bombardé. Nous nous préparons à répondre ici sur le front, où l'attaque aura lieu ce soir ou demain. Nous attendons les fusils et les munitions. Le front de la première ligne est à 2 kilomètres du village. La campagne est belle, verte et drue. La mutilation commence pourtant. Par places, les arbres fruitiers sont coupés, les roseaux fauchés, les légumes et les récoltes piétinées. Sans le canon qui tonne tout près et les miliciens qui circulent et braillent, la guerre serait une imagination, un mauvais rêve. Il pleut. Nous dormons au hasard en tas, Je me suis trouvé un matelas, seul, dans une pièce, espérant la tranquillité. La déception ne tarde guère. Bientôt se font entendre des grattements à ma porte. Je me suis barricadée avec tout ce que j'ai trouvé. C'est pour ça que le journal de Georgette Kokosinski, il est très intéressant. Et pour quelqu'un qui écrit comme Georgette immédiatement pendant l'action, elle traduit finalement un sentiment, son sentiment immédiat. Donc les mots sont déterminés par l'émotion. Madrid es el símbolo de los pueblos que prefieren morir en pie a vivir de rodillas. Je vais partir. Frente a las industrias pesadas de nazis, je crois que je ne reviendrai pas. Italianas, se alza la carne mártir, mais cela est sans importance. Cuando el proletariado europeo aparece. Ma vie a toujours été amère. Et le bonheur n'existe pas. Le bonheur n'a pas de visage, il n'a pas d'armoirie et pas de couleur. Et je n'ai pas su le trouver. J'avais des trésors de tendresse. J'avais des désirs. Le bonheur, vous ne savez pas comme je l'ai cherché. Je m'en souviens à peine moi-même. Le bonheur, c'est peut-être le repos des âmes éteintes. Tout est vague, insaisissable, comme ma vie, ma pensée. Ce journal, évidemment, s'interrompt très probablement la veille de sa mort. Il n'y a pas le jour exact. Nous savons qu'elle a été tuée par une patrouille marocaine en octobre 1936, juste à côté de Saragosse, dans les montagnes. Je suis Georgette Kokosinski, dite Mimosa. Je suis Sophie, j'ai une trentaine d'années. J'ai donc une grand-mère maternelle qui était brigadiste internationale lors de la guerre d'Espagne, puis qui a été résistante. C'était Juliette Ténine. Le sort en est jeté. Je vais au front, moi aussi. Je l'ai demandé expressément. Qui dira tout haut, ou qui écrira la vérité au sujet des femmes parties au front? Les journaux parlent d'elles avec respect, pourtant dans la rue, on les méprise. Ah, en parlera-t-on encore de la grâce, de la délicatesse féminine? Mais dans tout cela, où est la conviction, la grandeur, la bonne foi d'un peuple qui veut construire avec amour et justice? C'est un échec, le plus grand, le plus grave. Ce problème que je ne puis résoudre ici en pose un autre, important, pour les gens sans parti pris. Qui a fait la révolution? Où partons? Vers quoi allons-nous au juste? Aujourd'hui, ça va ? Ça va ? J'ai retrouvé la vie, parce qu'il était mal barré en mettant les pieds là-bas. Il y a un truc qui m'a tenue et qui a veillé sur nous, et qui, en tout cas, ou peut-être qu'on s'est battu, tout simplement. Je sais pas, j'ai... Mais moi, je me pose la question, comment ça se fait qu'on est encore vivant ? En fait, j'ai accepté cette histoire. Ça m'a plus renforcée que ça ne m'a qu'autre chose, parce que je me suis prouvé que j'étais capable d'affronter ces gens-là pour revenir, que je voulais vivre. Et ouais, ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Et puis j'ai accepté aussi, il y a une chose importante, c'est que j'ai accepté de ne pas faire le deuil de ma mère et de vivre avec. Je crois en moi, maintenant. Je veux partir. Moi, j'étais toujours la sœur de Ténine et la femme d'Albert. Hein? Et bien ça, je l'appréciais pas. Je dois aller au front. J'admirais énormément ma grand-mère. C'était une référence familiale. Parce qu'elle était libre. Je suis devenue moi-même quand j'ai pris mon indépendance, quand je suis partie en Espagne. Ma grand-mère était mon héroïne privée, voilà. Même si elle ne souhaitait pas être une héroïne publique, au sein de la famille, il était clair qu'elle avait quand même un rôle d'héroïne. Oui. C'était la libération. Bientôt, je partirai. Pour moi, tout à fait. On s'habitue à tout. En Espagne, avec Édouard Cil, Sophie Kosicki, Juliette Ténine, Claire Hanen et Georgette Kokosinski. Merci à Odette Martinez-Maller, Rosa Olmos et Laurent Panier de la BDIC Nanterre, André Destouches, Michel Rowe et Aurélien Coutier des archives municipales d'Ivry-sur-Seine, Kadir Demir pour les sons de Turquie, Leila Djitli. Recherche INA, Linda Simon. Lecture du journal de Georgette Kokosinski, Laetitia Spigarelli. Extrait du documentaire L'album de Juliette. Prise de son, Jean-Marie Porcher, Stéphane Demy. Mixage, Claude Mior. Un documentaire de Pauline Mocor, réalisé par Diffie Mariani. LSD, la série documentaire pour aujourd'hui, c'est terminé. Et si vous voulez retourner en Espagne, bibliographie, lien, nous podcaster pour la paix des braves ou nous réécouter entre pacifistes, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD série doc, et maintenant même sur Instagram, LSD, la série documentaire, pour voir des détails de l'intérieur de la Maison Ronde. Demain, troisième étape, l'addiction, aventurier mercenaire et djihadiste en ex-Yougoslavie.